On va parler des Saguenay de Chicoutimi et de Team Canada. Hier, on a parlé avec Samuel Girard, qui a été sélectionné pour le camp d'entraînement d'équipe Canada Junior. Mais il y a un joueur également des Saguenay de Chicoutimi qui va y participer à ce camp-là. C'est Nicolas Roy. Et il connaît toute une saison. Salut, Nicolas. Salut. Nicolas, content d'avoir été sélectionné par Team Canada pour participer à ce camp d'évaluation, tout le moins pour le championnat junior qui va avoir lieu dans le temps des fêtes. Ben oui, c'est sûr que je suis super content. Je me suis entraîné fort pour ça cet été. Puis c'est un objectif que je voulais faire partie de ce camp-là. Mais là, mon principal objectif, c'est vraiment de faire partie de l'équipe puis ensuite de ça, d'aider l'équipe à gagner. Fait que c'est sûr que je vais arriver prêt au Canada puis je veux vraiment avoir un poste avec l'équipe. Quel rôle que tu vas avoir? Est-ce que tu vas être un joueur qui va être bon dans les deux sens de la partition avec l'équipe Canada Junior? Est-ce qu'on t'a dit que tu vas peut-être avoir une meilleure du côté défensif? Ça va être quoi ton rôle avec l'équipe Canada si jamais tu réussis à faire l'équipe? Ben honnêtement, je ne sais pas vraiment. J'ai pas. Okay. Le premier objectif, c'est de faire l'équipe. Puis rendu là, je vais parler. Si je fais l'équipe, ça va être plus le coach qui va décider quel rôle qui me verrait plus. Et je pense que je suis capable de justement d'être bon défensivement puis jouer à des avantages numériques, mais je trouve que je suis capable d'exceller offensivement puis de jouer sur le power play. Fait que c'est plus le coach qui déciderait comment qui pense que je pourrais aider le plus l'équipe à gagner. OK. Donc, est-ce qu'il y a un joueur vraiment que tu es en compétition avec? Hier, on parlait avec Samuel, on disait Victor Mété, c'est un joueur comparable à toi, Victor Mété de l'Ontario. Est-ce que toi, tu as un joueur un petit peu dans l'Ontario, même dans l'Ouest, que ça peut qui peut rentrer en compétition avec toi, puis ça va être vraiment une lutte entre Nicolas Roy et l'autre joueur? C'est dur à dire comme ça. OK. Oui, il y a plusieurs bons joueurs, là, mais je sais pas si... je pense pas que je sois en compétition récemment avec un gars. Là. OK. Est-ce que le fait que c'est Dominique Ducharme, ça va aider? Ben, tu sais, c'est sûr que Dominique, il nous voit jouer pendant la saison. C'est un gars du Québec, puis tu sais, on le connaît, mais tu sais, je pense que Dominique, il va juste prendre les joueurs qui sont le meilleur pour l'équipe, puis tu sais, peu importe la nationalité, tu sais, il va... C'est sûr, il va choisir les joueurs qui peuvent aider le plus l'équipe à gagner, mais comme j'ai dit, c'est sûr que c'est Dominique qui nous connaît un petit peu plus. OK. Parlons des Saguenayens maintenant. Les Saguenayens, c'est une. Ça va vraiment bien. Après un début de saison un petit peu difficile, l'équipe est vraiment sur une bonne lancée, là. Bon, ouais, ça va super bien dernièrement. T'sais, on accumule les victoires, la chimie de l'équipe est excellente, puis on a confiance en nos moyens. Fait que c'est sûr que. C'est plaisant de voir l'équipe qui monte au classement, puis en espérant que ça continue. OK. Est-ce que tu penses que l'équipe a tout ce qu'il faut pour vraiment, au moins, rentrer dans le carré d'âge? Ben moi, je pense que oui. T'sais, on a une équipe, on a des excellents défenseurs, on a des gars en offensive qui sont capables de jouer. On a des lignes défensives, puis on a... C'est des lignes un petit peu plus offensives, puis on a deux des meilleurs gardiens de la ligue. Fait que je pense que c'est un tout, puis on est complet partout. Là. OK. Nicolas, tu connais tellement une belle saison. Les Hurricanes de la Caroline ont fait de toi un choix de quatrième ronde. Ça risque d'être un vol dans quelques années, ça? Ben, moi, c'est sûr que c'est ça que je veux prouver, que c'est un vol en quatrième ronde. Je veux tout le temps me donner, puis c'est ça, prouver que. Que j'aurais pu être avant ça, mais mon principal objectif, c'est de jouer dans la Ligue nationale le plus rapidement possible. C'est ça mon objectif. Okay. Ton style, est-ce qu'on peut le comparer à Jordan Staal? Ouais, ben ça est arrivé fréquemment que je me suis comparé à lui. Ouais. C'est un gars qui est capable de jouer les deux rôles, offensivement et défensivement. Puis je pense que c'est un bon comparatif. OK. Ben Nicolas, on va te souhaiter la meilleure des chances. Bravo pour ta nomination pour l'équipe Canada. On espère grandement que tu vas faire l'équipe dans le temps des fêtes. Ah, merci, c'est gentil. Voilà, des Saguenay de Chicoutimi, Nicolas.